إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'étude du chapitre de l'ascétisme et la retenue de Bulugh al-Maram de l'éminent savant Ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous sommes arrivés au hadith de Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agré. Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agré, a dit: un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre à mettre en pratique afin qu'Allah m'aime et que les gens m'aiment. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: délaisse ce bas monde, Allah t'aimera. Délaisse ce qu'il y a auprès des gens, les gens t'aimeront. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah. Dans ce hadith, Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agré, rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le questionner. Et d'un point de vue général, les questions sont de deux catégories. La première catégorie de questions sont les questions d'ordre mondain. Et la deuxième catégorie sont les questions d'ordre religieux. Et les questions d'ordre religieux sont soit profitables ou non profitables. Elles sont profitables lorsqu'elles vont rapprocher le questionneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il va questionner dans le but de mettre en application la réponse qui va lui être donnée. Et elles ne sont pas profitables lorsqu'elles concernent un sujet qui ne va sûrement jamais arriver ou que le questionneur n'a pas l'intention d'appliquer la réponse qui va lui être donnée. Et il n'y a pas de doute que celui qui médite sur les questions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam remarquera que leurs questions étaient profitables, car ils questionnaient dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en application la réponse. Et tellement ces questions furent profitables, Allah subhanahu wa ta'ala en a cité certaines dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 222 de sourate Al-Baqara: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Il t'interroge sur les menstrues. Réponds-leur, c'est une souillure. Lorsque vous commercez avec vos épouses, écartez-vous donc de l'endroit où s'écoulent les menstrues pendant cette période. Et n'en approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Quand elles se sont purifiées, allez à elles, comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se répandent abondamment et ceux qui se purifient. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte que lorsqu'une femme juive était indisposée, les hommes ne restaient pas avec elle. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogèrent le prophète à ce sujet et Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: faites ce que vous voulez sauf le coït. Et les questions des compagnons nous indiquent à quel point ils voulaient le bien et à quel point ils n'étaient pas attachés à ce bas monde, car il ne questionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam que très peu sur les sujets mondains. Et il se concurrençait dans les bonnes œuvres. En témoigne la parole d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit au prophète alayhi salatu wa sallam: les gens riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, et ils font l'aumône avec le surplus de leurs biens. Après tout cela, il est très étonnant d'entendre certains faibles d'esprit dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que d'autres vont carrément affirmer que certains d'entre eux sont mécréants. Il est obligatoire aux musulmans d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les respecter. Tout comme il incombe aux musulmans de transmettre cet amour à ses enfants. Car certains gens de l'innovation ne se gênent pas pour enseigner à leurs enfants la haine envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, notre cheikh Yassine ibn Ali al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous raconta qu'un jour il partit prêcher en compagnon de plusieurs étudiants en sciences dans le nord du Yémen. Il rencontra un enfant dont l'âge ne dépassait pas 8 ans. Et lorsqu'ils passèrent à sa hauteur, il dit: qu'Allah maudisse Muawiyah, qu'Allah maudisse Muawiyah ibn Abi Sofyan. Regardez comment les gens du faux endoctrinent leurs enfants dès le plus jeune âge. C'est pour cela qu'il faut apprendre la bonne croyance à nos enfants dès le plus jeune âge, et fait partie de la croyance authentique tirée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Donc l'âme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique-moi une œuvre à mettre en pratique afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime et que les gens m'aiment. Cet homme demanda deux choses immenses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première est l'amour d'Allah, azza wa jal, tandis que la deuxième est l'amour des gens. Concernant sa première demande, elle nous indique un principe très important, qui est que l'objectif de chaque personne doit être d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala, car la plupart de ses serviteurs l'aiment. On peut même dire que toute personne s'affiliant à l'islam, qu'il soit sur la vérité ou sur le faux, aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceci n'est pas la chose par laquelle les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se distinguent. Car ce qui va les distinguer est qui d'entre eux Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est pour cette raison que certains imams parmi les pieux prédécesseurs disaient « Le plus important, ce n'est pas que tu aimes, mais plutôt que tu sois aimé. » C'est-à-dire le plus important n'est pas d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et on retrouve cette parole dans de nombreux épîtres. Parmi eux, nous retrouvons le livre « An-Nubuwat » de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et également « Tafsir ibn Kathir ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à la première demande de cet homme par sa parole « Délaisse ce bas monde, Allah t'aimera ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme en lui ordonnant de faire preuve d'ascétisme dans ce bas monde. Il lui dit, délaisse ce bas monde, Allah t'aimera, c'est-à-dire fais en sorte de ne pas lui donner d'importance, c'est-à-dire de ne pas donner à ce bas monde de l'importance, fais en sorte qu'elle n'est pas une grande place dans ton cœur. Lorsque tu fais une action, ne la fais pas pour ce bas monde, mais fais-la plutôt pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te préoccupe pas des gens. Fais ce que tu as à faire, que les gens soient contents ou non, car tu ne pourras pas tous les satisfaire. L'imam Shafi'i rahimahullah disait « L'agrément des gens est un but inatteignable. Attache-toi à l'au-delà et sors la vie d'ici-bas de ton cœur ou donne-lui peu d'importance. » Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir d'argent ou avoir de beaux vêtements. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut questionné concernant un homme qui possède 1000 dinars. Peut-il faire partie des ascètes? Il répondit, rahimahullah, oui, à condition qu'il ne se réjouit pas si cette somme augmente et qu'il ne s'attriste pas si elle diminue. Et la récompense de celui qui fait preuve d'ascétisme dans cette vie en la délaissant est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien d'autre. C'est l'une des raisons pour laquelle les pieux veulent à tout prix faire partie des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: délaisse ce qu'il y a auprès des gens, les gens t'aimeront. C'est-à-dire que ton cœur ne soit pas attaché à ce que possèdent les gens et ne donne pas d'importance à cela. Ne les envie pas et ne leur demande pas leur bien. Ce qui aura pour résultat que les gens t'aimeront. Car souvent les gens n'aiment pas qu'on les envie et qu'on leur demande leur bien. Et comme tu auras ces caractéristiques, les gens t'aimeront. Et ce hadith est immense, ikhwani fillah, et l'un de ses plus grands enseignements est que l'ascétisme fait partie des causes pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause plus importante que l'ascétisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 de sourate Ali Imran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit: si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, l'auteur nous dit: Sa'd ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée, rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les caractéristiques de l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. La première caractéristique est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala aime le serviteur pieux, celui qui accomplit ce qu'il lui a ordonné et qui s'écarte de ce qu'il a interdit, en espérant par cela son agrément et sa récompense. Car certains vont délaisser l'interdit, non pas pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt pour se préserver d'un mal, comme celui qui ne fume pas juste pour se préserver du cancer. Et le serviteur pieux fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela réside dans le verset de sourate Yunus, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimati Allah, dhalika huwa al-fawz al-azim. Les alliés d'Allah n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ils sont ceux qui croient et qui craignent. Ils reçoivent la bonne annonce ici-bas et dans l'au-delà. Point de changement aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réussite suprême. C'est pour cela que l'éminent savant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah, a défini l'allié par sa parole: tout croyant pieux est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui désire obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui faudra craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième caractéristique est la richesse. C'est-à-dire celui qui se passe des gens et qui ne leur demande rien et qui se suffit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. La troisième caractéristique est la discrétion. C'est-à-dire le fait de ne pas se mettre en avant, ne pas donner d'importance au fait qu'on le montre du doigt ou qu'on parle de lui. Il est discret dans ses déplacements et n'aime pas les éloges. Néanmoins, cela ne veut pas dire que si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une science, qu'il doit se cacher chez lui et ne pas enseigner. Car ceci contredit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait qu'il enseigne aux gens le bien est préférable à ce qu'il reste chez lui. Malgré cela, il reste discret et ne se met en avant que lorsque c'est nécessaire. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, Abu Huraira, qu'Allah l'agré a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il fait partie du bon islam de l'homme qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Ce hadith est un fondement dans le comportement. Et l'auteur, rahimahullah, l'a mentionné dans ce chapitre, car c'est une caractéristique de l'ascète. En effet, l'ascète délaisse ce qui n'a aucune utilité dans l'au-delà et ne prend de ce bas monde que ce qui lui sera profitable. Ainsi, il va s'écarter de ce qui ne le concerne pas. Il ne s'occupe pas de la vie des gens, car cela ne le rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de base, il est tellement occupé par ce qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a même pas le temps de s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Car en règle générale, les gens s'occupent de ce qui ne les regarde pas car ils ont du temps à perdre. Et l'islam nous appelle à préserver notre temps et à ne pas le gaspiller dans des choses qui ne nous sont pas profitables. Et celui qui se concentre sur ce qui le concerne est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la réussite. Et le contraire également. C'est pour cela qu'il fut rapporté de Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est détourné du serviteur et qu'il va se concentrer sur ce qui ne le concerne pas. Néanmoins, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait que la personne délaisse ce qui ne le concerne pas englobe le délaissement de commander le bien et interdire le blâmable? Car parfois, lorsque tu vas voir quelqu'un commettre un péché et que tu vas lui dire de le délaisser, il va te dire « Cela ne te concerne pas, c'est Allah qui juge » ou d'autres paroles similaires. Et la réponse à cette question et coordonner le bien et interdire le blâmable concerne tout le monde. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Qu'un groupe d'entre vous appelle au bien, ordonne ce qui est approuvé et interdit ce qui est éprouvé, et ce sont eux qui réussissent. Nous avons également le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, quiconque parmi vous voit une chose blâmable, alors qu'il la change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et le sens induit de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie du bon islam de l'homme, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas, et qu'il fait partie du bon islam de l'homme, qu'il s'occupe de ce qui le concerne. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, Al-Miqdam ibn Ma'ad, Yakariba, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fils d'Adam ne remplit de récipient pire que le ventre. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à ne pas trop manger. Car l'excès dans la nourriture est nuisible, que ce soit pour le cœur ou encore pour la santé. Par conséquent, le musulman doit faire preuve de modération dans la nourriture. Mais la question qu'on peut se poser est, est-ce que remplir son ventre est blâmable tout le temps ou bien dans certaines situations il n'y a pas de mal? La réponse à cette question est qu'il n'y a pas de mal à se remplir le ventre de temps en temps. Car nous avons certaines preuves et certaines histoires qui indiquent cela. Nous avons par exemple l'histoire du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, avec le récipient de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Abu Huraira, bois. Et Abu Huraira but du récipient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta, bois. Et Abu Huraira ne cessa de boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, bois. Ensuite Abu Huraira dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai plus de place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors le récipient, loua Allah subhanahu wa ta'ala, comme à son habitude sallallahu alayhi wa sallam, puis dit bismillah et but. Également, nous avons l'histoire de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Un jour, l'imam Ahmed ibn Hanbal invita l'imam Shafi'i à manger chez lui. Et l'imam Shafi'i, rahmahullah, mangea tout le dîner, ce qui eut le mérite d'étonner la femme de l'imam Ahmed. Il a mangé jusqu'à se remplir le ventre. Pourtant, l'imam Shafi'i est un imam dans l'ascétisme. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, prend ces deux histoires comme argument qu'il n'y a pas de mal à remplir son ventre de temps en temps. Quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam ne remplit de récipient pire que le ventre, ceci est un blâme quant à remplir son ventre quotidiennement. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Et le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est pécheur. C'est-à-dire, tous les fils d'Adam font beaucoup de péchés. Et le péché tourne autour de deux choses. Soit le délaissement d'une obligation, ou soit l'accomplissement de quelque chose d'interdit. Et lorsqu'il dit « et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent », c'est-à-dire le meilleur d'entre eux, sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont commis des erreurs. Même si les péchés sont répétitifs, et le plus mauvais d'entre eux est celui qui ne se répand pas et ne donne pas d'importance au péché. Par conséquent, celui qui tombe dans le péché doit se repentir immédiatement, même s'il recommence le péché. Et les savants mentionnent que les conditions du repentir sont au nombre de 5. La première condition est la sincérité. Et ceci est la base de toute bonne action. La deuxième condition est le regret d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième condition est de délaisser le péché sur le moment. La quatrième condition, être décidé à ne pas recommencer dans le futur. Et la cinquième condition est que le repentir soit avant le moment où il ne sera plus accepté. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné ce hadith pour nous montrer que personne ne peut échapper à l'erreur. Même l'ascète et celui qui fait preuve de retenue. C'est pour cela que l'auteur, rahmahullah, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le silence est une sagesse, et rares sont ceux qui le pratiquent, rapporté par le Bayhaqi. Néanmoins, ce hadith est faible et ne peut pas être attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, son sens est bon.